je voulais être quelqu'un. Le meilleur du bien. Oui, mais ce temps-là est loin. Et me voilà encore sur le chemin. À me demander ce que je vais faire demain. Je suis vieux, je pourrais être quelqu'un. Quelqu'un de bien. Oui, mais j'en ai plus envie. La rouille a détruit toutes les clés. Je n'ai plus rien d'autre à faire. Qu'attendre qu'elle tombe en poussière. De l'autre côté, s'il y a un autre côté, les bons chemins. Jour de bonne humeur, le matin. Retrouver les cartes du destin. Un peu escroc, les garder dans. J'étais jeune, je prenais tous les trains. N'importe où jusqu'à demain. Sans savoir ni pourquoi, ni comment. Juste être quelqu'un. Que l'on dit.